Peut-être n'a causé un beau sous-sourd à Kolingangaï. La motiva voyagae, Natimoto Makasi, Balinga Balanda Kela Singaï mouvement. Ozoma et Salanga don a regretté. Peut-être n'a causé mosusu oya kolingangai. Baboti baboyakae, Natimoto Makasi, Baninga balanda kela singai mouvement. Kozoba esalanga dona regrette. Sangate, era kisaki. lakisa ki bolingo chéri. Ata osengi pardon andi matin, bolingo baby sangai mon chien. Yanga na yo esili fanfan, kobeta nga na lembi papa. Remontez la musique. Tonton Mambeka, Cédar Louembe, Freddy Kevano.